Thomas Barea et Sarah Hamon. Mais tout d'abord, la plume de Gunzig. Bonjour Thomas Gunzig. Bonjour François, bonjour tout le monde. C'était il y a 28 ans. Nous étions en 1993 et je publiais mon premier livre. C'était un obscur livre publié chez un tout petit éditeur. Il n'y avait pas eu de promotion, pas d'article. Ce livre n'avait eu aucun succès. Personne n'en avait parlé, personne ne s'y était intéressé. Personne, sauf un écrivain belge, et cet écrivain, c'était Francis Danemark. À cette époque, Francis Danemark organisait ce qu'il appelait des nuits des lettres. Et grâce à lui, j'avais pu lire mes textes un peu partout en Belgique et en France, en compagnie de plein de gens formidables. Il y avait les poètes William Clive, Jean-Pierre Verheyen, Lambert Schlechter, Franck Venaille, Daniel Fanot, Guy Goffet, Jean-Claude Pirotte, Étienne Runis et beaucoup d'autres, et des romanciers, Xavier Deutsch, Philippe Blasband, Amélie Nothon, qui comme moi venait de publier son premier livre, Marie Desplechin, Caroline Lamarche, Hervé Letellier, qui ne se doutait pas que trois décennies plus tard, il aurait le prix Goncourt. Et grâce à Francis Danemark, tous ces gens totalement différents sont devenus des amis. Et Dieu sait que l'amitié dans un monde brutal est une chose importante. Francis Danemark avait ce talent rare et précieux de créer de l'amitié. Il nous a fait traverser quelques frontières géographiques ou linguistiques. Il nous a fait écrire des textes. Il nous a publié avec soin et bienveillance. Et Dieu sait que dans un monde brutal, la bienveillance, ça aussi, c'est une chose importante. Francis Danemark, comme éditeur, comme organisateur d'événements, a été un des plus importants moteurs des lettres belges. Grâce à lui, j'ai publié un second livre chez un éditeur moins petit. Et il est passé un peu moins inaperçu. Mais avant tout, Francis Danemark était écrivain et il était romancier, des jolis romans délicats qu'il comparait à des aquarelles, et il était poète, des poèmes qui étaient comme ses airs de blues qu'il aimait tant. Francis Danemark qui disait « J'écris pour apprivoiser le temps qui passe et la mélancolie qui reste est mort il y a quelques jours. J'aurais bien écrit que la mort d'un écrivain c'est comme une voix qui se tait, mais Francis m'aurait dit que l'utilisation d'un cliché de ce genre était interdit et j'aurais dû trouver autre chose. » Alors ce matin, je me suis dit que quand un écrivain est mort, ça risque finalement de le lire. Je vous invite donc à lire ses romans, par exemple « Mémoire d'un ange maladroit »,« Chose qu'on dit la nuit entre deux villes »,« Les agrandissements du ciel en bleu »,« La longue promenade avec un cheval mort ». Et puis, lisez ses textes courts et ses poèmes, parce qu'évidemment, dans un monde brutal, il n'y a pas vraiment d'autre secours que la poésie. Alors ce matin, lisons du Francis Danemark. Ce qu'on entend là, c'est Mal Waldron, un pianiste qu'il aimait et qui jouait souvent à l'archiduc à Bruxelles. Donc, lisons du Francis Danemark. L'arrière-grand-père qui avait été un jeune homme irrespectueux, puis un homme respecté, un amant fameux, un compagnon au long cours, un délicieux père de famille, la première au bout du monde et la seconde plus tard et beaucoup moins loin, un joueur de poker parfaitement malchanceux mais un ami d'humeur égale, un marchand riche puis pauvre et riche encore mais provisoirement, un marchand ravi quoique dénué de tout sens décent de l'orientation, l'arrière-arrière-arrière-grand-père donc disait ceci, il faut savoir où on est et y être. Si on n'y est pas, il faut être ailleurs. Sans doute faudrait-il penser de temps en temps au peuple fantasque, innombrable et sans cesse mouvant des flocons de neige. Nul n'a jamais pu à l'œil nu distinguer l'un de son voisin, l'autre du suivant. Sans doute faudrait-il fermer les yeux et se rappeler qu'ils tombent par milliards, qu'ils se ressemblent mieux que deux gouttes d'eau, mais que jamais il n'y en a eu deux identiques et que jamais il n'y en aura. À la semaine prochaine. Hommage donc à Francis Danemark, décédé la semaine passée à l'âge de 66 ans. Et donc, on apprend aussi que c'était le trait d'union entre vous, Thomas Gunzig, et Amélie Nothon, Francis Danemark. Oui. C'était quoi le titre de votre premier roman publié en 1993, vous c'était, vous souvenez? C'était Situation instable penchant vers le mois d'août. Exact. Votre page Wikipédia est à jour, Thomas Gunzig. Merci pour cet hommage que l'on retrouve sur ovio.be et sur la page Facebook de La Première. Dans quelques instants, la revue de la presse et ce rapport sauvé sur les actes de pédophilie dans l'Église catholique française qui continue à faire couler beaucoup d'encre ce matin.